عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، ما بال. الحمد لله قد انتهينا من الأفعال المعتلة. عندنا ماذا؟ معتل الفاء، معتل العين، ومعتل اللام. طيب ما معنى فعل معتل يا أيمن؟ حرف العلة تحت سيكون ديجا فعل حال فعل العله، سيكون va trouver une lettre défectueuse dans ce verbe là, c'est-à-dire une lettre de base. Attention les frères, c'est-à-dire quand tu dis wa'ada, c'est que le wa il est vraiment asli. طيب parce que bientôt inchallah dans 3 on va commencer à rentrer dans des verbes حروف مزيد مثال ثلاثي مزيد. Vous avez compris ça? Ça on va le voir inchallah. طيب معتل فا، pourquoi on l'appelle معتل فا؟ الفا معنى تحت الوزن فعل، on a trouvé le حرف العله en dessous du fa. طيب quelqu'un a une question par rapport à ce dars؟ معتل فا، معتل العين، معتل لام. Tu as compris inchallah؟ معتل العين c'est soit avec يعني soit on rajoute un ya comme basha yamshi معتل العين اللام ouais mais soit on rajoute un awa يعني quand on rajoute un ya c'est quand le alif il est maksour. Non, ouais. Et ça ne peut jamais être le contraire. Yani, on va voir le alif maksour et ce sera un waouh après. Là, c'est pas comment. C'est-à-dire à la fin, il finit avec un alif et dans le mudara, c'est un waouh qui apparaît. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit par là? Comme Zon Macha, Yamshi, quand on a vu l'alif maksour, c'est-à-dire après, il y aura un ya. Ouais. Est-ce que quand on aura le alif maksour, est-ce que c'est un waouh qui apparaît? Ah là, c'est da'a yad'u. Hein? Mais faut madame? Barakallahu fik. Vous avez compris la question du frère? Par exemple, il demande est-ce que le fait de trouver comme Arama, Baka, cette forme-là, on peut dire Bakaou. Vous avez compris? Là, Yabki. Je voulais dire Yabko. Yabki, Yarmi, Hakada. Mais si tu vois Al-Alif en forme de Asa, vous avez compris là? Ce sera quoi? Da'a Yad'ou. Shaka Yashku. Mais faut? Hakada. Maha Yamhou Tala Yatlu. Vous avez compris, Inch'Allah? Tu as compris la question du frère? Je répète, hein? C'est-à-dire si tu trouves l'alif, c'est-à-dire en forme de asa, comme debout, me faut? C'est-à-dire le mudara, tala, tu dis pas yatli, yatlu, maha, yamhu, me faut? Mais si c'est comme rama, en forme, l'alif en forme de yat, ce sera quoi? Yarmi, masha, yamshi, ila akhir. T'as vu? On avait lu le texte, hein? T'as vu, bismillah. هذه أمثلة للفعل المضاعف. طيب ما معنى مضاعف ici؟ بارك الله فيكم. Ce sera deux mêmes lettres l'une dans l'autre. طيب هذا هو معنى المضاعف. طيب ce sont deux mêmes lettres l'une dans l'autre. Comme on va le voir dans l'exemple, on a le verbe حجّة. أصله حججة. Vous avez vu? On a fait rentrer les deux lettres qu'elle dit, ça fait hajja. Le fond? Liada soumia fil mudaaf. C'est compris? Et c'est pour ça, il n'y a pas de verbe à deux lettres. C'est-à-dire, si quelqu'un il te dit hajja, comment ça se fait? Tu dis non. Hajja, la shadda, prouve qu'il y a quoi? Deux mêmes lettres. Et ça, c'est important également. C'est pas possible de voir une shadda, il y a deux lettres différentes. Vous suivez ce que je dis là? Par exemple, la hajja, tu me l'ouvres, tu me fais hajjaj hu. Là, c'est deux djim. Est-ce que vous avez compris là ce que je veux dire? Hein? Faut pas, quand tu vas ouvrir ce verbe-là ou ce mot-là, ce sont deux mêmes lettres qui sont l'une dans l'autre et non pas une lettre qui ressemble à l'autre qui est rentrée. Par exemple, tu peux pas me dire que c'est un djim et un ha. Ou un djim et un al-kha. Ou par exemple, c'est un exemple, s'il y avait le del et le del, tu me dis, quand on les a ouverts, ça fait del et del. Là, s'il y a une shadda au-dessus du del, ce sera automatiquement quoi? Deux del. S'il y a deux, une shadda au-dessus du sin, ce sera quoi? Deux sin. Il ne faut pas dire, ouais, c'est le sin et le shin. Mais faut mahada, inshallah. On en parle, mais ça peut arriver. Peut-être quelqu'un aurait compris ça, mais al-mudha'af, ce sont deux mêmes lettres, l'une dans l'autre. Mais faut mahada. Et en français, je crois que c'est le W, c'est ça, hein? ce sont deux V, l'un dans l'autre. Hakada. Tay hajja aslu hajaja. Vous avez compris ça? À la base, hajaja. Taïb? C'est-à-dire, il n'y a pas de mal si tu dis hajajtu. C'est-à-dire, quand tu vas l'utiliser au mardi, il va s'ouvrir. Ça te prouve que c'est quoi? Deux djim qui étaient l'un dans l'autre. Hajajtu. Le mardi, il t'a remis quoi? Le verbe à sa place. Hajajtu. Tu veux faire le mudaraf, il s'ouvre au mardi? Énorme, comme ça, tu vois. Hajajtu, tu vois. C'est-à-dire, tous les verbes, c'est-à-dire quand tu le conjugues. Là, la main, c'est. Hajja abi. Hein? T'as compris? Si tu dis hajja abi, il est au mardi. Il n'est pas ouvert. Tu vois? Mais si tu veux le conjuguer, tu dis hajajtu. Tu es obligé de dire ça. Il sera ouvert au mardi. Hajajtu, hajajta. Tu ne peux pas dire hal anta hajjatta. Là. Hajajta. T'as compris, Mohamed? Barakallahu fik. Et si c'est du féminin, hajjat. Taïb? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asluhu hajaja. Yahujju asluhu yahjuju. Et au mudara, c'est la même chose. Mufhum inshallah? Tay dhanna, c'est-à-dire le verbe penser. Yadhunnu jarra yajurru, traîner. Tay marra yamurru, c'est passé. Tay ou traverser, tout dépend comment tu l'utilises, hein? Par exemple, tu me dis Aïna Zed, Akhul, Kad Marra Minhuna. Il vient de passer. Taïb. Adda Yahuddu, compter. Sabba Yasubbu. Ici, à ne pas confondre avec le mot qui va arriver après. Ici, c'est le verbe insulter. Taïb. Radda Yaruddu. On peut dire Radda, c'est renvoyer. Taïb. Il y avait un autre mot dans la tête. Rejeter. Également rejeter, naam. Il y avait peut-être quelque chose de. Taïb. Sabba yasubbu. Ici c'est verser. Taïb. Sabli, par exemple, tu dis quoi? Mazid min al-qahwa ila akhir. Taïb, c'est ici verser. Sadda yasuddu, c'est boucher. Taïb. Il y a également, il peut avoir un sens d'empêcher. Hein? Elle a dit yasud an. An sabilillah. Ou an talab al-ilm, c'est quoi? Ici, empêcher. Tout le monde a compris, inshallah? Shamma yashammu, sentir. Massa yamassu, toucher. Shamma asluhu shamima. Yashammu asluhu yashmammu. Taïb. Et ça, vous verrez plus ça dans les livres de sarf, inshallah. Déjà, entre la fin du 2, inshallah, dans le 3, on verra beaucoup de sarf. Et après, si vous avez fini le 3, je conseillerais, si un frère il ouvre un das dans le sol, c'est bien. Tu vois, même une petite risala pour ne pas oublier tout ça. Tu vois, ce sera plus en détail. Taïb. Wakadalika massa. Taïb. Vous avez compris ce qui est entre parenthèses? Il vous dit Shamma asluhu shamima. Taïb. Vous suivez là? Pourquoi il vous a dit ça, barakallahu fikoum? Faut pas que tu fasses comme quoi? Par exemple, Hajja. On a dit quoi? Hadija? Hajaja. Le fond? Alors c'est pour ça qu'il te dit. Alaykoum salam. Il te dit là, barakallahu fik, Shamma asluhu shamima. Et ça, shamama. Le fond? C'est pour ça qu'on m'a dit toujours quoi? Shamimtu. Hein, je répète, Inch'Allah. Comme ça, c'est du sarf. Regardez bien. Hajja asluhu mahua. Hajaja. On a tout ouvert. T'as vu? Il se peut qu'ici, quelqu'un il aurait pu faire la même chose. Shamma, il aurait pu dire quoi? Shamama. Vous avez compris? Malika Abdelkaim, vous avez compris ça? Alors, il vous a dit quoi? Aslou, shamima. Me font? C'est pour ça qu'on m'a dit, tu me dis quoi? Shamimtu. T'as vu? Après, il te dit, yashammu, aslou, yashmamu. Me font? Et il te dit, wakadalika, massa. Même anahada, wakadalika, ça veut dire massa, on dira quoi au m'a dit? Massistu. Massissa, ouais, comme tu as dit. Non, c'est bien. Tu vois, mais moi je te l'ai conjugué. Tu as bien répondu, barakallahu fik. C'est massissa. Vous avez compris, Inch'Allah? Et si c'était le mudara, on dira quoi? Hein? Yes? On dira quoi? Yes? Massa? Là, yamsasso. Non, parce que on a sauté le mime. T'as vu, Inch'Allah? Iqra mayali. T'as vu, t'fadal ya Mohamed. Tout le monde a compris, Inch'Allah? Abdelhamid? Sami, c'est bien compris? Mohamed, Aymana, tout le monde a compris? Je vous laisse lire. S'il n'y a pas une phrase qui n'est pas comprise, Inch'Allah, je la traduis. Hajja, akhi, qabla thalata ahwal. Toi, t'as istifama? Ou c'est directement Hajja? Hajja. Parce que Hajja, j'ai pas entendu. Hajja, akhi? Hajja, akhi, qabla thalata ayyam. Wana, hajjastu. Regarde bien, regarde bien. C'est bien jusqu'à thalata, pas ayyam, ahwam. Ahwam. Alaykum salam. Wana, hajjastu, hada l'am. Très bien. Adhunnuka taliban. A'asubbu laka mazidan min ash-shay. Min ash-shay. Ya akhi. La. La wa shukran. La wa shukran. Très bien. Le suivant. Lima tajurina al-haqibata fi turabi ya Fatima. Naam. Ici, il a un sens de traîner. Hein? Hein? Traîner son cartable. C'est Souad, c'est une fille. Hein? Aadati. Rialati. Avoue au table de Kaïm. On va t'entendre, Inch'Allah. C'est bien, il y a mis à tout réel. L'amma ici, c'est, elle rend le verbe madzoum, non? On l'a étudié, l'am ou l'amma. T'en souviens, Abdelhamid? Et ici alors? Ici, c'est pas madzoum. Pourquoi? Elle est rentrée au mardi. Hein? Alors que celle qui rend madzoum, elle rentre dans quel temps? Al-mudara. Ici, elle a un sens de quoi? Lorsque. T'as vu? L'amma dakhaltu. Hein? Lorsque je suis rentré dans la maison, Shamim Tura Ihatan Taibatan. Inch'Allah, confondez pas. L'attitude, alaykum salam. L'amma qui rend le verbe madzoum, c'est quand il rentre au mudara. Amma ida dakhalat ala al-madi, il a un sens de quoi? De lorsque. Taïb, Inch'Allah. Le suivant. Yamuru al-mudira ala al-fasl. Regarde bien. Yamuru. Al-Mudira, Taïb. C'est-à-dire, Al-Mudira, pourquoi tu dis Mansour? Al-Mudira, c'est une fraction. Fa'al, c'est lui. Al-Fusul, kulla sabahi. Très bien. Tout le monde a compris, Inch'Allah. Asnid al-af'al al-atiyal al-mutakallim. Taïb, comment on va m'adhir dans le mythal? Hamidun dhanna. Ana dhanantu. Hamidun adda. On dira ana. Adattu. Adattu. Taïb. Hamidun marra. Ana. جررت. Très bien. حامد جرى. جررت. أنا جررت. حامد حج. أنا. حججت. Très bien. حامد رد. أنا. رددت. Très bien. حامد شق. أنا. شققت. Très bien. شق ici en quelque sorte c'est déchiré, fond, ou on peut dire également séparé. شق. حامد شم. أنا. شممت. Très bien. حامد صب. أنا سببت حامد مسا أنا مسست ما شاء الله سبيا grand 5 تأمل المثال ثم صغ الأمر من الأفعال الآتية I te demande maintenant de former l'impératif avec les verbes qui suit on sait que الأمر علامة الأمر ما هي الأصلية السكون et إذا كان من الأفعال الخمسة c'est-à-dire s'il y a un نون ce sera quoi حذف النون Maintenant, le verbe d'aujourd'hui, il y a une particularité, barakallahu fikoum, c'est que la secoue ne va pas apparaître, il y aura une fatha à la fin. Taïb, regardez bien. Anta tajurru, c'est du mudara. Taïb, anta tajurru. C'est-à-dire, si on, ouvre, si on aurait ouvert le verbe là, vous me suivez là? Hein? Inch'Allah, celui qui ne comprend pas, il m'arrête. Hein? Moi, quand je dis à un frère, par exemple, on va prendre... Regardez bien. Anta tajurru. Ici, il est quoi? Il est au mudara. Taïb. Et on a dit qu'à la base, al-mudha'af, ce sont deux mêmes lettres. C'est quoi les deux lettres ici? Ra. Le ra. Tout le monde a compris, Inch'Allah? Il dit quoi? Anta tajurru. Vous suivez bien? L'avant-dernière lettre, il y a quoi? Sukun. Une sukun. Et l'impératif, normalement, c'est quoi à la fin? Sukun. Une sukun. C'est-à-dire, on va quoi? On va supprimer la damma. Tout le monde suit? Qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver avec combien de sukun? Avec deux. Et on a dit que dans la langue arabe, il n'y a pas quoi ? Deux sukun. Vous avez compris ça ? Hadawa. C'est ça, le schéma, c'est ce que ça veut dire. Anta tajurru. Il t'a ouvert le verbe, qui est la base. Anta tajurru. Maintenant, tu vas faire entrer quoi ? L'impératif. Et cette règle-là que vous avez devant vous, ce sera même avec le madzoum. Avec l'amma. À la base, tu dis quoi ? Anta tajurru. Tajurru. Tu diras quoi ? Si tu appliques le lam aussi, tu diras quoi ? Anta lam tajur. Deux ra. Mais faut, c'est pour ça qu'on dira anta lam tajur ra. Faut, inshallah. Tout le monde a compris ? Et si je dis à un frère, fais-le, par exemple, tire le tableau. Jorra. Ah, calme. Mais faut, inshallah, là, tout le monde a compris ? Il y a toujours chida sur le. Énorme. Pourquoi ? Parce qu'il reste. Non, il reste. C'est compris, Mohamed ? Abdelkarim. Ayman ? Tout le monde a compris ? Wahabi ? Oui, c'est ça que je viens de te dire. Taïb, jurra. Taïb, la yaltaqi sakinan. Tout le monde a compris le schéma, Inch'Allah ? On le redit une dernière fois. Anta tajurru. C'est quel temps ici ? Al-Mudara. Et on a dit quoi, barakallahu fikoum ? Al-Fi'l al-Mudara, ce sont deux mêmes lettres, l'une dans l'autre. Dans le Mudara, ici, regardez, il l'a ouvert. Il dit quoi ? Al-As, anta tajurru. Mais faut ? Après, il te dit jour. Regardez bien, entre parenthèses, il y a quoi ? Parce que pour faire l'impératif, on a dit on supprime quoi ? La lettre du mudara qui est quoi ? Le ta. On s'est retrouvé avec quoi ? Jim avec une dama et deux ra avec quoi ? Sukun. De sukun. Et dans la langue arabe, on a dit quoi ? La yaltaqi sakinan. C'est pour ça qu'on a dit jourra. Alaykoum salam. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Hein ? Et ça, vous le faites avec tout. T'as vu ? Alors, on dira quoi ? Tamurru. À la base, c'est quoi ? Tamur. Tamurru. Tamurru. Tamurru. C'est vrai ou non ? Alors, si je dis à quelqu'un, passe, morra. Morra. Morra min huna, barakallahu fik. T'as vu, Inch'Allah ? T'as vu, tahujju, on dira quoi ? Hujja. Hujja. Tasubbu ? Subba. Subba. Tashumu ? Shumma. Très bien. Hein ? C'est compris, Inch'Allah ? Shumma. De toute façon, pas dire shumma. Hein ? Taruddu ? Rudda. تظنوا ان تعد عد هذا المال ها c'est-à-dire maintenant si tu veux dire un frère comme c'est un verbe qu'on peut utiliser عد هذا المال طيب تتمس نعم tout le monde a compris inchallah اقرا ما يلي جر هذا المكتب طيب صب القهوه للضيوف ها le premier jour on a dit quoi traîner tirer صب Hein, il y a divers du café à l'invité, les doyouf, les invités. Udda hadi al-kutub, compte ses livres. Hein? C'est Shumma. Hein, hadi Zahra. Ma'ana Zahra. Fleur. Non. Tam, non. Chaque fois, tu dis Shumma. Shumma. Non. Shumma, Shumma. Afwana. Barakallahu fikou. Comme c'est des verbes qu'on n'utilise pas beaucoup, alors ça s'oublie vite. شما هذه زهرة طيب avec مفتوح الشين تأمل ما يلي grand 7 ce qu'on vient de dire ici pour l'amr c'est la même chose pourquoi pour l'âme ça veut dire en général pourquoi pour tout ce qui est medzoum vous faut voilà يحجو لم يحج لم يحجوج regardez bien on a ouvert les deux djims ça fait deux سكون لم يحجا لا يلتقي ساكنان في اللغة العربية ça c'est une règle que vous avez donné t'as eu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تجر لا تجر ها لا تجر إذا دي كوا لا تجر لو لا ici c'est quoi يا وهبي لا نافية إي توا نهية نهية ها سي نهية نيجاتيف بارك الله فيك أجيب عن الأسئلة الآتية بالنفي مستعملا لم أحججت لا لم أحج طيب مصاغتي هو À toi, vas-y, alors je te pose la question. A'adatti hadi al-kutub ya binti? La. C'est bien, fais comme la, lam a'u. Ah non, j'ai pas. Lam a'udda. Très bien. Asababta zamilaka hadaya Ali? La asabba. لا سي توي كي ريبون لما سبا لما سبا نعم امر المدير على الفصول لا لم امر اون لا اون بارل دو لوي لا لم امر لم يمر لم يمر تري بيان اسببت الماء الذي كان في الكوب لم اسبا تري بيان اشممت رائحه كريهه عندما فتحت باب الحمام أشم تري بيان طيب أدخل لا ناهية على الفعل الذي أمام كل جملة وأكمل به الجملة هاي تدمون دفع أدخل لا ناهية طيب دون لي فيرب الذي أمام كل جملة وأكمل به الجملة كومبليت لي فرازا أنا تصب تجيرا كوا ici يا أيمن لا تصب لي مزيدا من القهوة طيب تري بيان ما شاء الله au suivant c'est bien ana l'imtihana ana l'imtihana l'imtihana on l'a étudié on l'a vu ce mot même ana l'imtihana examen qu'est-ce qu'il y a Abdelkarim vas-y continue ana l'imtihana ça y a qu'un sahlan suivant la très bien. La ta'udda hadhi riyalati. Naam. La tamurra bayna yaday bayna yaday al-musalli. Naam. La tajurra saburatu min makkah. Saburatu. On a dit je vous ai donné une règle la dernière fois. À partir du moment où tu utilises l'amr ou le la nahiya, c'est que le sujet il est compris. Alors, ce qui vient après, il est quoi ? Les mef'ulbi ou les mejrour ? Alors, c'est pas saburatu, saburata. Min makaniha. Makaniha. Tout le monde a compris, Inch'Allah ? Taïb ? C'est compris ? Isnad adda ala dhamair. Hamidun adda. Al-awladu addu. Aminatu addat. Al-banatu addadna. Anta addatta. Antum addattum. Anti addatti. Antunna addattunna. Anna addattu. Nahnu addadna. طيب إسناد يعد على إلى ضمائر حامد يعد الأولاد يعدون أمينة تعد البنات يعددن أنت تعد أنتم تعدون أنت تعدين أنتن تعددن أنا أعد ونحن نعد إسناد فعل الأمر من عد إلى ضمائر عد يا حامد عد يا أولاد عد يا أمينة اعددن يا بنات C'est compris, Inch'Allah ? Taïb. Ta'amul isti'amal kalimatayn qat wa abadan. Taïb. Qat et abadan, ça s'appelle des dharf. Taïb. En quelque sorte, ça correspond à un complément circonstanciel de temps. Taïb. Et la différence, barakallahu fikoum, entre qat et abadan, qat khas bil madi. C'est une négation qui est particulièrement utilisée. Elle sera utilisée pourquoi ? Que pour le passé. Alors que Abadan, ce sera que pour quoi ? Al-Mustaqbal. Taïb ? C'est-à-dire, Barakallahu Fik. Si tu veux utiliser l'an, tu dis pas par exemple, Ma fa'altu hada Abadan. Vous me suivez ? Je répète, Inch'Allah. Qat, il est utilisé khas bil madi. C'est-à-dire, tu vas ramener quoi ? Tu vas confirmer quoi ? La négation. Du passé. Par exemple, tu dis quoi ? Ma fa'altu hadha qat. Me foum ? C'est compris ça ? Ou si vous voulez utiliser abadan, tu diras par exemple, lan atroka sala abadan, inshallah. Vous avez compris ? T'as pas dit lan atroka sala qat. Lianu qat limada yusta'mal lil madi. C'est compris ça, inshallah ? Taï. Et également, qat, on l'utilise pour quoi ? Je veux dire, comment on l'utilise, il faut qu'il soit précédé d'une négation. Taïb ? Et là, automatiquement, vous le comprenez même dans l'utilisation. Tu ne dis pas, par exemple, « Af'alu hadha qat ». Vous avez compris ça ? Parce que si vous traduisez « qat » et « abadan », ça veut dire quoi ? Jamais. C'est comme si tu dis je mange jamais. Là, c'est pas ça le but. Alors tu voulais dire quoi par exemple? Je n'ai jamais mangé ou je n'ai jamais menti, hein, grâce à Allah. Hada ma'ana. Vous avez compris pourquoi on utilise qat? Il faut qu'il soit précédé d'une négation par rapport à ça. T'as La af'aluhu qat. C'est bon ça, Abdelkarim? La af'aluhu qat. C'est bon? Et toi? Pourquoi? C'est du mudara. Alors, et moi, j'ai utilisé quoi? Voilà. Alors, j'aurais dû utiliser quoi? Abadan. Me foum? Par exemple, tu me dis, hal fa'alta hada? La af'aluhu abadan. Ça veut dire, abadan, La mudara, j'ai pas dit mustaqbal. Mudara, c'est-à-dire mustaqbal, c'est le mudara. C'est ça le mudara. Taïb. Moi, quand je te dis non, j'ai cru que tu me disais le mudara et le madi. Taïb. Naqra, inshallah. Ma fa'altu hada qat. On regarde les conditions. Il est au madi, il est précédé de quoi? D'une négation. Lam akul ta'aman ladidan mitl hada qat. Une négation. Et quand est-ce qu'il n'a pas mangé ça? Ça, il a déjà mangé. Me faut madame? Barakallahu fikoum. Et on a dit quoi? Également que l'âme, il est rentré au mudara, c'est vrai ou non? Alors que le mudara, normalement, c'est quoi? C'est normalement, c'est le futur. C'est vrai ou non? Comment ça se fait que là, on a utilisé qat? À cause de quoi? Et de l'âme. Et qu'est-ce qu'il fait l'âme? C'est-à-dire, il change le temps mudara au madi. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de contradiction. Je répète, Inch'Allah. Parce que moi, je vous ai dit quoi, moi? Je vous ai dit que qat, on l'utilise pour quoi? C'est négatif. Au madi. C'est vrai ou non? Comment ça se fait que là, on a quoi? Akulu. Akul, c'est le mudara. Mais le fait qu'on a fait rentrer l'âme, ça a changé le temps mudara au madi. Mais Fumada, Inch'Allah, ça, je pense que c'est mieux que vous l'écrivez. Au cas où, si vous enseignez ce livre, Inch'Allah, s'il y a un frère qui fait attention à ça, vous lui ferez cette remarque-là. Tu lui dis, il est rentré au mudara, c'est vrai, mais il y a l'âme, harf, jazm, nafi, wa mada, wa qalb. Wa ma ma'ana qalb, on a dit, khalaba zaman al mudara ila mada, ila al madi. Ça veut dire quoi? La règle, elle est bonne. C'est que qad, il est utilisé ici au mudara ou au madi alors? Au madi. Mais faut mada, inshallah. Vous avez compris? Hal dahabta ila Mecca? Lam adhab ila Mecca qat. Mais faut mada? لم أترك الصلاة قط ولن أتركها أبدا. طيب. C'est qu'il nous a informé au madi qu'il l'a jamais laissé et inshallah qu'il la laissera jamais. Vous avez compris là comment il a utilisé les deux en même temps? طيب inshallah. Hein, par exemple, هل تركت الصلاة؟ لم أترك الصلاة قط. Hein? C'est-à-dire grâce à Allah il n'a jamais laissé la prière. Et il dit en plus ولن أتركها أبدا. Inshallah متى هذا؟ إلى أن يموت. مفهوم؟ لم أسمع كلاما مثل هذا قط. كيف تقول إنك رأيتني في الهند؟ أنا ما ذهبت إلى الهند قط. Vous avez compris cette phrase? Et ça, c'est des belles petites phrases que vous devez apprendre par cœur, car on peut les utiliser régulièrement. Ça. طيب. قط خاص بالماضي. Ce qui est entre parenthèses. وأبدا خاص بالمستقبل. طيب. C'est compris, inshallah. تأمل ما يلي. لين اسم تفضيل ألين طيب هذا الحرير لين وذلك ألين من هذا طيب اسم تفضيل أطيب هذا طعام طيب وذلك أطيب هذا مفهوم هذا صافي 2 3 fois on fait du اسم تفضيل لا superlative طيب الكلمات الجديدة مرة جمع مرات plusieurs fois دباج جمع نوع من حرير un dibaj, c'est-à-dire quoi? C'est une variété de soie. طيب نسخة جمع نسخ كوبي كف جمع أكف c'est-à-dire la كف لا, c'est pas la pomme, c'est la poignée, la كف la pomme, c'est الراحة la كف La main plutôt. Je me suis trompé, je pense. Voilà. Kaf. c'est plutôt la main ou la poignée. Le kef, je crois, c'est ça correspond tout. Personne a un dictionnaire là ? C'est plutôt la paume. Je crois que c'est ça. Non, parce que la paume, je crois, il y a un autre mot. Il y a un autre mot. Raha. Raha t'lied. Tu vois ? Le kef. Là, on va regarder à la fin, Taïb. Vas-y. Raihatun, odeur. Hunayhatun, un instant. Mazid, un surplus ou un rajout. Karihun, détestable. Balou'atun, l'évier. Ghafilun, distrait. Laynun, doux. Tayyibun, bon. Dafa'a, yadfa'u. Il a plusieurs sens, ça. Dafa'tu qimat al-kitab, c'est-à-dire j'ai payé. Ou dafa'tuhu, je l'ai poussé. Mais faut mada. Marida yamrado, être malade. Hazina yahzanu, être triste. Taïm. C'est bon ? Tout est écrit ? Regarde le dictionnaire vite fait. Zaklaouche. On va lire le tableau, Inch'Allah. C'est la conclusion de tout ce qu'on a fait. Non, enfin, j'ai pas noté ce. C'est une variété de soie. Dibajoun. Un instant, Nadia. Ouais, un moment. Alaykoum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhtibar, naam également. Ikhtibar. C'est pour ça qu'on dit le mukhtabar. L'endroit où il y a les examens, les urines, tout ça. Ahmed, c'est bon ? Paume de la main, taïb, Inch'Allah. Le frère dit dans le dictionnaire, ils mettent la paume de la main. Taïb, aqsam el fi'l. On lit le tableau, c'est que de la lecture. El fi'l, après on a quoi ? Al madi, al mudara al marfou', al mudara al madzoum, al mansoub, al mudara al madzoum, wal amr. Grâce à Allah, on a étudié tous ces temps-là. El fi'l salim. Salem ici par rapport au tableau, c'est que c'est un verbe qui n'a aucune quoi. C'est-à-dire en quelque sorte, il est pur. Hein? Aucune, on va dire, pas de harf illa. Hein? Il n'est pas mudaaf. On dit en quelque sorte un verbe sain. Comme kataba ou mudara, on dira quoi? Morfou. Yaktubu morfou bimada huna. Bila dhamma. Lan yaktuba mansoub bil fatha. Bisabab lan. لم يكتب مضارع مجزوم بالسكون اكتب الامر tout le monde a compris là المهموز المهموز ça veut dire quoi c'est un verbe où tu trouveras الهمزه soit au début soit au milieu ou soit à la fin هذا معنى فعل مهموز طيب c'est compris ça inchallah si on te dit par exemple اعطيني فعل مهموز tu dis اكل او سأل او قرأ quelle que soit la place de cette lettre-là, ça s'appelle un verbe mahmouz. Hada ma'ana mahmouz, c'est qu'il y a quoi ? Il y a une de ces, il y a cette lettre-là, que ce soit en début, au milieu ou à la fin. Alors on dit akala, ya'kulu, lan ya'kula, lam ya'kul, kul. Sa'ala, yas'alu, lan yas'ala, lam yas'al, is'al. Qara'a, yaqra'u, lan yaqra'a, lam yaqra, iqra. Inch'Allah, c'est compris, hein ? Al-Mudha'af, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui grâce à Allah. On a dit quoi ? Ce sont deux mêmes lettres, l'une dans l'autre. Taïb, Adda, Ya'uddu, Len Ya'udda, Lam Ya'udda, Udda. Shamma, Yashammu, Len Yashamma, Lam Yashamma, Shamma. Jadda, Yajiddu, Len Yajidda, Lam Yajidda, Jidda. Taïb, là ce qu'on va voir, regardez bien, ce sera quoi ? Al-Fi'l Al-Mu'tal. Tout le monde y est ? Je ne vous ai pas parlé durant les jours qui sont passés. C'est que le fi'l mu'tal, mu'tal fa, en plus de cela, il a un nom. Vous comprenez ça ? On a quoi ? Combien de fi'l mu'tal ? Talata. Mu'tal al-fa, mu'tal al-ain, wa mu'tal al-lam. Et en plus de cela, mu'tal al-fa, on va l'appeler al-mithal. Il a un nom. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? On va le faire là, regardez bien. Regardez bien, il vous dit Al-Mu'tal al-Fa, entre parenthèses, il a écrit quoi? Al-Mithal. Hada ma'ana. Ça veut dire il a un nom. Ça veut dire quoi? Ils se sont ressemblés dans quoi? Tous ces verbes-là, ça s'appelle Mu'tal. Voilà, mais faut madame. Wal-Mu'tal al-Fa, là où ism, Al-Mithal. Wal-Mu'tal al-Ain, il s'appelle Al-Ajwaf. Wal-Mu'tal al-Lam, il s'appelle Fi'al Naqas. C'est compris ça, Inch'Allah? Alors, il vous dit Mu'tal al-Fa, il a un nom, Al-Mithal. Waqafa, yaqifu, lan yaqifa, lam yaqif, qif. Ça, on l'a vu, Inch'Allah. Al-Mu'tal al-Ain, on appelle ça comment? Al-Ajwaf. Et en français, c'est l'équivalent du verbe, ils appellent ça concave. T'as pourquoi? Parce que c'est comme s'il était creux. La lettre défectueuse, elle est quoi? En milieu. Vous avez compris ça? Hada ma'ana. طيب قال يقول لن يقول لم يقول قول باع يبيع لن يبيع لم يبيع بيع نام ينام لن ينام لم ينام نم المعتل اللام طيب معتل اللام بارك الله فيكم ils l'ont appelé الناقص pourquoi parce que la حرف العلة il est où à la fin طيب مشى يمشي لن يمشي طيب. Et ça, on verra dans le 3, Inch'Allah, ce type de verbe-là, que certaines terminaisons à la fin, elles apparaissent, et certaines, elles n'apparaissent pas. Me foum ? Lam yamshi, imshi. Nasiya, yansa. Lan yansa. Taïb. Lam yansa, insa. Naha, yanha. Lan yanha. Lam yanha, inha. Taïb. Et faites attention, inha, c'est pas un zamir, c'est sa lettre de base. Vous avez compris ça? Naha. Da'a yad'u. Lan yad'uwa. Lam yad'u. Ud'u. Taïb. Al-lafif al-maqroun. Taïb. Wa al-lafif al-mafrouq. Regardez bien. Ça, c'est la même chose de ce qu'on vient de voir. Mais la différence, c'est quoi? Barakallahu fikoum. Vous suivez là quand je dis que c'est la même chose? Al-harf al-illa, il est où? Non. Mais à la base, il est où là? Il est à la fin. Vous me suivez là? Les deux derniers verbes qu'on voit là, al-harf al-illa, il est à la fin. Mais la différence avec ce qu'on vient de voir là, mu'tal, al-lam, al-naqas, c'est qu'il y a un autre harf illa. Taïb? Vous comprenez ce que je dis là? Il y a deux harf illa. Al-mu'tal, al-lam, ils lui ressemblent. C'est quoi? Dans la fif al-maqroun et la fif al-mafrouq, c'est que le harf al-illa, il est à la fin, mais il en a un de plus. Taïb, Inch'Allah? فما معنى لفيف المقرون c'est que les deux harf illa ils sont suivis c'est pour ça on dit quoi maqrun معنى qarana c'est il a joint il faut me joindre c'est pour ça qu'on dit quoi vous avez vu dans le mustalah aqran c'est à dire c'est comme si c'est quelqu'un de deux mêmes personnes vous voyez on a le même âge aqran vous voyez lafif almaqrun c'est quoi ça veut dire deux harf illa qui se joignent. Et c'est quoi ici c'est quoi les deux harf illa ici? Waw, kawa, yakwi, walia. Vous avez compris ça? Walafif el mafrouq, c'est quoi? Ce sont deux harf illa, mais qui sont quoi? Un au début et l'autre à la fin. C'est pour ça qu'on dit mafrouq du verbe quoi? Faraqa, qui quoi? Séparé. Taïb, Inch'Allah? Vous avez compris la différence? Alors si on te dit, ma wal fi'al, lafif el mafrouq, el maqroun, c'est deux harf illa, l'un qui suit l'autre. Vous avez compris? Ou la fif et le mafrouq, c'est deux harf illa qui vont être séparés. C'est compris, ça, Inch'Allah? Kawa, yakwi, lan yakwiya, lam yakwi, ekwi. Al la fif et le mafrouq, waqa. Waqa, c'est protégé, hein, si vous voulez savoir. Yaqi, lan yakiya, lam yaqi, qi. Taïb. In bab faïda, je vais vous donner. On avait dit quoi, barakallahu fikoum? On a, le, en parlant du mu'tal lam, ici on l'a appelé comment? Naqas. Quand est-ce qu'on a étudié ce mot fi'al naqas? Vous vous souvenez également? Avec kana. Alors je vais vous, pour que vous faites la différence. Kana, on l'appelle fi'al naqas. Mais la différence entre kana et ces verbes-là, c'est quoi? Un naqas dans. Non, un instant. Naqas dans nahu, c'est quoi? C'est quand tu as besoin d'un ism et d'un khabar. Kana Zaidun, Maridan. Amma huna, ce qu'on est en train d'étudier, c'est quoi? C'est le sarf. C'est-à-dire, dans le sarf, al-fi' naqis, c'est quoi? C'est que c'est à la fin de ce verbe, c'est quoi? Une lettre défectueuse. Vous avez compris ça, inshallah? Je répète. T'as compris ça, Mohamed, un peu? Taïb. Al-fi' naqis, on a dit c'est quoi? Walladhi yahtaj ila ismi wa khabar. Vous vous souvenez de ça? Comme quoi? Comme kana. Alors qu'ici, c'est quoi? Al-naqis fi sarf, c'est quoi? C'est mithmada, da'a, masha, nasa. C'est-à-dire qu'à la fin de ce verbe, c'est quoi? Une harf, c'est un harf, min huruf al-illah. Vous avez compris cette faïda ou non? Hein? Pour pas que vous mélangez. Tu dis comment là c'est naqis et là c'est naqis. Là. Parce que si tu appliques la règle de kana, quand tu vas utiliser masha, est-ce qu'il a besoin d'un ism et d'un khabar, masha? Tu dis Zaidoun Macha. Il a besoin que d'un sujet. C'est, vous avez compris ça ou non? Alors que Kana, il a besoin d'un ism et d'un khabar. Et c'est faux de dire dans Macha, il a besoin d'un ism et d'un khabar. Là, Macha, il a besoin de quoi? D'un fa'al. Vous avez compris la différence, Inch'Allah? De Karim. Tout le monde a bien compris, Inch'Allah? Ilahuna. Inch'Allah. On fera la leçon 30 bénin.